Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un guest magnifique, le premier qui a démocratisé vraiment l'humour venu de l'étranger. Voilà, le grand, l'unique Smaïn, mesdames et messieurs. Salut les amis, alors tu veux une anecdote? C'est ça donc. Alors elle va être très très très rapide. Je démarre ma carrière, on est dans les années 90, je fais l'Olympia. Alors l'Olympia c'est la consécration. Grande salle, 2000 personnes, les 2000 personnes sont dans la salle et pendant une heure et demie, je galvanise la foule, je suis un homme heureux, satisfait, car je suis et j'ai rendez-vous avec le rire. Le spectacle se termine, la salle se vide, je vais dans ma loge et puis je reviens pour saluer évidemment les techniciens qui sont sur le plateau et là, on observe au 10e rang une personne assise qui ne bougeait pas. Alors on descend, on appelle un peu la sécurité, on arrive et on vient vers lui et il est mort. Non. Il est mort dans l'enceinte de l'Olympia. Je crois que son dernier spectacle c'était le mien et je crois qu'il est mort de rien. Bah, il est mort heureux. Et il est mort heureux, voilà, donc paix à son âme. Et ben dis donc, ouais, là c'est une anecdote, c'est vraiment du lourd. En tout cas, merci beaucoup. On peut te retrouver bientôt avec ton nouveau spectacle, je crois, en préparation. Voilà, tu as déjà le titre ou pas encore? Je reviens me chercher. Je reviens me chercher, voilà. Et je vous embrasse tous. Avec grand plaisir, merci beaucoup à toi. Donc n'hésitez pas à aller voir le nouveau spectacle de Smaïn. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.